Bonjour, chers auditrices, auditeurs. Bienvenue dans l'émission Mosaïque qui passe sur les ondes de la radio Isanganiro chaque samedi à 8h du matin et chaque mardi à 21h15. Mosaïque d'aujourd'hui sera consacrée à la cohabitation des membres des partis politiques en cette période avant les élections de 2020. Cette cohabitation est jugée mauvaise par certains partis politiques de l'opposition comme Senel, fraîchement agréé par le ministère de l'Intérieur, ainsi que le Front Debout Sahwanya, le Front pour la démocratie au Burundi. Des cas recueillis sur terrain par ces formations politiques précitées montrent que les membres de ces partis sont persécutés, arrêtés et emprisonnés. Certains agents de forces de sécurité, certains jeunes du parti au pouvoir et certains administratifs membres du parti au pouvoir sont pointés du doigt. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir autour de cette table ronde les représentants des différentes formations politiques qui puissent débattre sur cette problématique afin d'assainir le climat politique en cette période préélectorale. Quel état des lieux, quels sont les défis et quelles sont les solutions? Nous avons comme invité Nancy Ninette Moutoni, secrétaire nationale du parti CNDD-FDD. Vous êtes la bienvenue, madame, à cette émission Mosaïque. Bonjour et merci de nous avoir invités à participer à ce débat. Le parti CNL est représenté à cette émission par Mbonigaba Noé, secrétaire national du parti CNL. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie. Je vois devant moi aussi Fenias Nigaba, porte-parole du parti Sahwanya Front Debout. Bonjour Fenias, bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci de nous avoir invités. Enfin, il y a Kefani Widi, président du parti Sahwanya Front Debout Nyakuri. Bienvenue à vous aussi dans Mosaïque. Merci de nous avoir invités. Nous saluons le public qui nous écoute et mes amis qui sont ici. La mise en onde de cette émission est assurée par François Akimana. Jérôme Nyonzima est à la réalisation, à la présentation de Mosaïque d'aujourd'hui. Vous êtes avec Evariste Ndikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Entrons donc dans le vif du sujet. Ma première question, je la dirige vers l'honorable Noé Mbonigaba du CNL. Honorable, votre parti a haussé le ton ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état des lieux? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, notre parti politique CNL, qui vient d'être agréé depuis le mois de février 2019. Pendant cette petite période d'existence de ce parti, les membres de ce parti, maintenant, subissent des violences, subissent une violation des droits humains sans précédent. Ils sont battus à travers presque tout le pays. On peut donner des exemples. Ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés, et cela sans motif valable. Effectivement, les alibis ne manquent pas. Tantôt, ils sont accusés à tort de tenir des réunions clandestines. Tantôt, les membres de la jeunesse du parti au pouvoir, communément appelé Imbonerakure, dans certaines localités du pays, ils les agressent. Et malheureusement, des fois, à la vue des forces de l'ordre. Et il n'y a pas de recours. À certains d'autres endroits, on constate qu'il y a eu deux bagarres. Et le résultat, ce sont les membres du parti CNL qui sont emprisonnés. Il n'y a pas de motif. Et ceux qui sont emprisonnés, les dossiers n'avancent pas. Nous nous demandons le pourquoi. On manque la raison. Et pourtant, les textes nationaux, en l'occurrence la Constitution, consacre la liberté à tout un chacun, à tout Burundais, d'exercer pleinement ses droits civils et politiques. Et quand ça arrive pour les membres du CNL, on dirait que ces droits n'existent pas pour eux. Voilà, grosso modo, l'état des lieux. Au niveau des exemples, on peut citer Muyinga, on peut citer Gitega, on peut citer même Bujumbura Rural, on peut citer Makamba, on peut citer même Changuzo, etc. Vous dites sans motif valable, c'est quoi au juste? Nous voulons dire que les membres du parti CNL sont séquestrés sans aucune raison. Sans aucune raison. Il n'y a pas de motif. Ils n'ont rien fait comme infraction qui mérite une telle sanction. Et voilà, ils sont sanctionnés. Oui, ce n'est pas puisqu'ils exercent les activités politiques sans qu'il y ait des comités collinaires, communaux. J'ai dit tout à l'heure que cela est un alibi parce que, pour le moment, le parti CNL, au niveau de sa présidence, on est en train de mettre les organes. Alors, au niveau de la base, ils sont informés qu'ils ne peuvent en aucun cas tenir des réunions parce que la loi ne les autorise pas. Et je sais que vraiment, ils obtempèrent. Ils respectent la parole donnée par le dirigeant du parti. Oui, et merci à l'honorable Noé. C'est la même question à l'endroit de Phineas Nikaba, porte-parole du Parti Sahraouien Afro-Debout. Comment est l'état des lieux? Vos membres sont épargnés ou c'est le pire, comme vient de le dire l'honorable Noé? Merci de la question. D'abord, dans un état démocratique, il doit y avoir des principes sur lesquels le pays doit être construit. L'un des piliers de la démocratie, ce sont les partis politiques. Les partis politiques, non pas seulement dans les papiers, mais les partis politiques sur le terrain, les partis politiques qui tiennent des réunions, les partis politiques qui recrutent des nouveaux membres, et les partis politiques qui sont les membres des partis politiques qui sont libres. Alors, ce pilier est bafoué ici chez nous, surtout dans les partis de l'opposition. Au niveau du Frodebout, nous voyons que l'intolérance actuellement prend une allure très inquiétante. Nous allons nous expliquer pourquoi on dit cela. Mm-hmm. On peut prendre ça en quatre catégories. Actuellement, il y a des assassinats qui sont dus à cette intolérance politique. Il y a des emprisonnements, des arrestations et emprisonnements arbitraires qui sont dus à cette intolérance politique. Il y a une communication violente lorsqu'on dit Ibipinga, lorsqu'on dit Mujeri, lorsqu'on dit Abakeba. Tout cela, c'est pour déshumaniser les gens. Il y a le terrorisme sur terrain et il y a également le non-respect des insignes des partis politiques. Alors, je peux même entrer en détail. Dernièrement, il y a eu des assassinats à Muyinga. On a tué des gens. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fait des enquêtes. C'est contre les membres du Parti Sahraouien Afro-Debout. Effectivement, il y a un membre du Parti Sahraouien Afro-Debout qui a été assassiné. Il a été trouvé à la maison. Il a été battu à mort. C'est M. Chichoubguengue Aloïse. Mm-hmm. Il a été tabassé. Il a été tué. Qui l'ont battu à mort? Il y a certains membres de la Ligue des jeunes Imbonerakure qui ont fait une attaque à son domicile. Pourquoi? C'est intolérance politique. Parce qu'il est membre de l'opposition. Puisque jusqu'à maintenant, on a entendu que l'administration a dit que c'était dans l'état d'ivresse. Il y avait un problème, ils étaient ivres, ils se sont bagarrés. Est-ce que vraiment, si on est ivre et qu'il y a des morts, on ne fait même pas des enquêtes. Supposons que c'était vraiment l'ivresse et qu'il y ait des morts, est-ce que nous ne pouvons pas faire des enquêtes? Les informations que nous avons maintenant, ce sont les membres des partis de l'opposition qui sont seulement emprisonnés, alors que les autres, ils sont libres. Les emprisonnements arbitraires. Je vous donne un exemple à Makamba. Il y a un chef de colline qui a été arrêté, a été emprisonné par l'administrateur, passé des jours au cachot, il a été directement remplacé par un membre du sein de DFDD, et 4 jours après, il a été relâché, sans dire les raisons de son emprisonnement. Vous voyez, c'est également l'intérêt. On ne veut pas que les autres participent dans la gestion du pays. Donc, vous voulez dire que c'est le parti au pouvoir? Effectivement, puisqu'il a été arrêté par l'administrateur. Après deux jours, il a été directement remplacé par un membre du sein de FDD. Quatre jours après, il a été relâché, sans même lui dire quelle faute il avait commise. Bon, pour la communication violente, en tout cas, c'est la monnaie courante. Lorsqu'on dit Vipinga, lorsqu'on dit Mougéri, on dit que c'est presque autorisé. Ça, c'est une communication qui est très violente. Le fait de déshumaniser les autres, c'est vraiment une intolérance politique. Le non-respect des insignes. Je donne un exemple de Burundi, où un conseiller de l'administrateur est venu et a fait descendre le drapeau du Sawanja Frodebu. C'était vraiment, tout le monde vraiment a regardé comme ça, impuissamment, un conseiller de l'administrateur qui vient et qui fait descendre le parti de le drapeau. Oui, ou le drapeau du parti de Sawanja Frodebu. Ça est arrivé. Vous voyez que c'est vraiment l'intolérance, vraiment, prend une allure très inquiétante, mm-hmm. avec même des conséquences néfastes au niveau de la cohabitation. Oui, avant qu'on arrive sur ces conséquences, accordons la parole à M. Kefani Mizi, président du parti Frodebu Nyakuri. Y a-t-il de plaintes ou indignations? La situation est au bon fixe? Qu'est-ce qui se passe? Côté Frodebu Nyakuri, est-ce que vos membres sont persécutés comme les prédécesseurs viennent de le dire? Bon, je pense qu'il faut se situer d'abord dans un cadre tout à fait général. Lorsqu'il y a des compétitions, que ce soit dans des matchs ou ailleurs, mm-hmm. il arrive souvent, il peut arriver que les compétiteurs aient des heurts entre eux. Ce n'est pas aujourd'hui que ça arrive, ça arrive dans le passé, ça arrive maintenant, et ça arrive parce que là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Ça veut dire que quand on entend qu'il y a des difficultés entre les partis politiques ou entre les partis politiques et l'administration, ça veut dire que les partis politiques sont en train de travailler. Donc je voudrais d'abord que ce ne soit pas une situation, parce qu'on dit en matière de résolution de conflits que le conflit est inhérent à l'homme, à la vie humaine. Ça veut dire qu'il est normal que là il y a des hommes, il y a des conflits, mais ce qui est très important, c'est de savoir comment résoudre ces conflits. Mmh. Alors, selon vous, c'est la fièvre électorale? Je ne pourrais pas arriver là-bas. Mmh. C'est pour vous dire que nous, dans notre approche de travailler, on évite dans un premier temps, on a éduqué nos militants, que quand on aurait des réunions, il faut d'abord respecter les prescrits de la loi à ce qui est de l'organisation des réunions ou des manifestations publiques. Mmh. Deuxièmement, quand on va sur terrain, au lieu d'attaquer les gens, au lieu de s'adonner à des violences verbales à l'endroit d'autres formations politiques ou de l'administration, nous nous proposons uniquement à la population notre projet de société. On élimine les difficultés, on propose des solutions, on ne vilipende pas les gens, et comme ça, il y a moins d'heures entre nous et les militants d'autres partis politiques et l'administration. Deuxièmement, Nous recommandons à nos militants de savoir que, par exemple, l'administration, elle est dépolitisée. Ça veut dire que quand on a un administrateur, on a un gouverneur, il ne faut pas regarder son parti politique. Donc, il faut que nos militants participent dans les activités de développement, mm-hmm. dans les travaux communautaires, pour qu'on ne se présente pas chez l'administrateur pour demander la permission d'une réunion uniquement, mais aussi qu'ils puissent vous voir dans les activités de développement, mmh. dans d'autres réunions de développement. Alors comme ça, il y a des relations déjà établies qui sont positives, même s'il y a des difficultés qui s'établissent entre vous et l'administration, vous allez faire des recours faciles. Grosso modo, les militants de notre formation politique n'ont pas de difficultés avec d'autres formation politique sur le terrain, mmh. parce que nous avons donné une très bonne conduite de faire le travail, de faire les réunions, d'enseigner l'idéologie. Mmh. Deuxièmement, même si il peut y avoir des fois des incompréhensions de la part de l'administration de base, notamment au niveau des collines, et là nous pensons que les dirigeants des collines ne maîtrisent pas bien mmh. les textes qui régissent les partis politiques et les textes qui régissent les réunions et les manifestations sur la voie publique. Et quand cela arrive, on fait recours aux autorités hiérarchiques et les solutions sont trouvées facilement. Mmh. Même s'il peut y arriver, comme je l'ai dit, quand vous êtes en compétition, ça ne manque pas que les uns et les autres puissent se heurter. Là, on fait recours toujours à l'hiérarchie. Si, par exemple, on a des difficultés avec les membres du CNR, on appelle les dirigeants du CNR dans la localité, disant, voilà, vos militants et nos militants sont en difficulté, arrangeons l'affaire, et cela s'arrange facilement, sans toutefois passer par les réseaux sociaux, sans toutefois passer par les médias, pour arrêter, parce que nous, notre mission, c'est de faire la politique, tout en sauvegardant la tranquillité publique. Mmh. On ne veut pas donc manipuler tout événement qui arrive, mais on trouve des solutions adéquates aux questions posées. Et donc, ceux qui déplorent la situation aujourd'hui, vous voulez dire que leurs membres sont méconduits? Bon, je n'ai pas fait un jugement d'autres formations politiques. Je dis ce que nous faisons. Mmh. On arrive chez Mme Nancy Ninette Moutoni, qui participe à cette émission au sein du parti au pouvoir, au sein des DFDD. Madame, vous vous plaignez, vous aussi, ou bien la situation est au bon fixe? Bah, mieux vaut tard que jamais, hein, j'avais longtemps attendu. Le tour de table, comme on dit. Bon, je me plains aussi. Je me plains aussi, mais je me plains de différentes choses. D'abord, je me plains de la structure de ce plateau, de ce débat. Qu'est-ce qui manque? Si vous voulez parler de la cohabitation pacifique des partis ou des formations politiques actives ici au Burundi, on ne peut pas parler... de comment on ne peut pas s'évaluer ou s'auto-évaluer. Il y a une structure étatique, il y a une autorité publique qui est chargée de gérer les partis politiques. Et donc, si vous avez choisi d'inviter que les partis politiques, on va faire des débats entre partis politiques, mais ils sont toutefois accusés, et l'autorité publique, et on va parler des problèmes de partis, pas des problèmes des partis et de l'autorité. Oui, c'est un débat dans lequel vous allez donner des contributions. Oui, on va contribuer. Oui. Et c'est cela que je dis, que je me plains de cette confusion volontairement entretenue par certains médias, je dis bien certains, et certains hommes politiques aussi, cette confusion entre l'autorité publique, c'est-à-dire le gouvernement, et le parti au pouvoir. C'est une confusion qui est entretenue à des fins propagandistes, et je dénonce cela. Et puis, je me plains aussi. Ça s'est passé, puisque l'autorité n'est pas représentée. Donc, c'est contre Honorable Noé... C'est lamentable. Et puis, je me plains aussi des contradictions, des déclarations ou des allégations que j'ai entendues ici, venant de la part de l'honorable Noé et de M. Feignas. Ce sont des allégations difficiles à vérifier ou invérifiables, mais quand même, je vais donner ma position en tant que parti, que représentant du parti au pouvoir, le parti CNDD-FDD. D'abord, de prime abord, avant que je n'entre dans ce sujet-là, je devais d'abord mettre ce point au clair. Il n'y a aucun membre, que ce soit de la Ligue des Jeunes ou du parti CNDD-FDD, qui est impliqué dans ces actes, qui est les camarades ici présents au plateau ont fait mention. Il n'y a aucun membre de notre parti qui est impliqué dans cela. Et si cela devait arriver, Puisque tout n'est pas rose, on serait au courant. Ce qui n'est pas le cas, jusque-là, on n'a aucune information. On va vous faire des exemples concrets. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, à ce niveau, si M. Feignas veut me faire ces exemples ou me donner des cas concrets de ces cas, je me dis que ce n'est même pas à moi qu'il faut les adresser. Il faut les adresser à l'autorité publique, parce que nous avons une autorité publique de laquelle nous dépendons tous. Et c'est cette autorité publique qui gère les partis politiques. C'est à elle que nous aussi, quand on a des problèmes sur terrain, parce que figurez-vous, on a aussi des problèmes sur terrain comme parti au pouvoir, on a des problèmes. Et c'est à cette autorité publique que nous adressons nos problèmes. Je ne veux pas adresser mes problèmes au parti, le nouveau parti CNL ou le parti Frodebout. Non, il y a le ministère de l'Intérieur est là. Nous adressons ces problèmes que nous rencontrons sur terrain. Comme information, vous pouvez en avoir comme information. Je suis chargé de l'information, je vais les prendre. Mais ce n'est pas à moi que c'est cela doit être. Vous pouvez conseiller. Mais oui, vous, vous, allez, Vous allez le transmettre à l'hiérarchie. Oui, oui. À quelle hiérarchie? Au niveau du parti. À notre parti. Ce sont les militants, ce sont vos militants. Pas du tout. Je vais vous expliquer. Au fait, si un parti a un problème, sur le terrain, d'abord, il y a consultation entre les leaders. Est-ce qu'il y a un leader qui a appelé les leaders du parti CNDD-FDD pour dire « Ok, dans cette localité, nous avons rencontré des difficultés ?» Non. Et si ces problèmes n'ont même pas été rapportés au ministère de tutelle, au ministère de l'Intérieur, alors, cher monsieur, là, il y a un problème de transmission des rapports. Et je ne peux rien. Je n'y peux rien. Et puis, je voudrais franchement que les médias, et surtout, je suis pour la liberté de la presse, c'est d'ailleurs la semaine ou la journée de la liberté de la presse, j'aimerais franchement que les médias participent, comme il est de leur essence, au renforcement de la culture démocratique. Oui, c'est ce qu'on fait à vos invités dans ces et émissions. Oui, enlevant cette confusion volontairement entretenue entre le parti et le gouvernement. C'est une confusion volontairement entretenue, je le répète, qui ne sert pas ni le métier, ni la politique, ni d'ailleurs le peuple. Parce qu'aujourd'hui, celui qui parle du CNDD-FDD ne peut pas parler du gouvernement. Je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Le gouvernement a un porte-parole. Mais il y a le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a ses propres questions. Et là, vous devez interroger des questions qui relèvent de sa compétence. Je ne peux pas parler pour le gouvernement. Je ne suis pas mandatée pour le gouvernement. Et comme vous le savez, au gouvernement, ce n'est pas seulement le parti au pouvoir qui y est. Il y a des membres du CNR qui sont au gouvernement. Est-ce que je vais parler pour eux? Non, je ne vais pas le faire. Donc aujourd'hui, Nancy Linette Moutoni rejette les accusations contre les jeunes du parti au pouvoir, contre les administratifs à la base, et qui sont qualifiés de membres zélés du parti au pouvoir. Je le rejette énergiquement et fortement. Mmh. Et puis, s'il y a des accrochages ou de petits heurts, de petites bavures, qui est ces petits heurts ou ces petites bavures sur le terrain? Je viens de le dire, il y a une autorité publique, il y a le ministère de l'Intérieur. C'est à ce ministère que doivent s'adresser tous les partis politiques. Et puis, s'il y a des questions entre partis, il y a le forum permanent de dialogue des partis politiques. Nous discutons tous les jours. Nous discutons tous les jours des problèmes qui peuvent surgir sur le terrain, des problèmes avec le cadre légal qui régit les partis, des problèmes qui peuvent, ou des incompréhensions, ou même des préoccupations que nous avons en tant que politiciens. C'est dans ce cadre-là que nous les discutions. C'est pas quelque part ailleurs. C'est même pas ici, dans un plateau télé ou radio. C'est pas ici. C'est pas ici que ça se discute. Merci. Ok, oui, ce sont les faits qui sont recueillis sur terrain, Madame Nancy Linette Moutoni. Si des plaintes comme ça continuent, si le terrain n'est pas favorable pour certains partis politiques, comme ils le disent, est-ce qu'il n'y a pas de défi? Bon, le défi est là d'abord que nous ne comprenons pas de la même façon ces problèmes que vous dites sur le terrain et où les adresser. Parce que si vous les adressez au parti au pouvoir, le parti au pouvoir est aussi géré au ministère de l'Intérieur. Mais adressez-vous. Mais pourquoi vouloir écarter l'autorité compétente pour la substituer par une autorité qui n'est pas habilitée à le faire? C'est quand même incompréhensible. Donc, nous travaillons pour que, c'est ça que je venais de dire, au sein du forum des partis politiques, nous échangeons et nous dialoguons tout le temps et d'une manière permanente, puisque c'est un forum permanent, et d'une manière permanente, des questions et des interrogations et des préoccupations qui surgissent dans l'environnement politique. L'ouverture de l'espace politique, c'est là que ça se discute. Le cadre légal, est-ce que la liberté d'opinion, de rassemblement, si le texte n'est pas favorable ou si le texte n'est pas assez adapté, c'est là où nous faisons nos propositions. Et c'est de là que nos propositions partent pour améliorer les lois. C'est pas à la radio. Oui. Vous êtes du CNDD-FDD, vous êtes secrétaire national du parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, côté CNDD-FDD, vous n'entendez pas de heurts politiques sur terrain ces derniers jours. Bon, les heurts politiques, oui. Des fois, nous les entendons et nous sommes aussi victimes. Nous sommes victimes, mais je salue la retenue face à la provocation que subit nos membres sur terrain. Ils sont victimes de provocations diverses de la part de certains opposants sur terrain. Mais je salue leur retenue, parce que s'il n'y avait pas de retenue, nous ne serons pas là. Oui, Noé et Fénias ont parlé des membres, de certains membres du parti au pouvoir. Donc vous pouvez citer ces commettre ces bavures contre vos membres. Écoutez, les bavures contre nos membres viennent de l'opposition, sans doute. Mais où est-ce qu'ils proviendraient? Ce n'est pas le faute de Bouniakouri du tout. Bon, jusque-là, on n'a eu aucun problème avec le faute de Bouniakouri. Effectivement. Et s'il y avait ces problèmes, nous les adresserions au ministère de l'Intérieur et qui réglerait la question. Donc, jusqu'à l'heure qu'il est, vous aussi, vous n'avez pas adressé ces doléances au niveau du ministère de l'Intérieur? On a adressé nos requêtes face à la provocation de la part de certains opposants. Et comme je vous l'ai dit, ici, ce n'est pas la tribune pour parler de copie. Oui, ok. Merci beaucoup, Nancy Ninette Moutoni, pour vos contributions. Kefani Vidi, vous entendez vous aussi de Heure Politique sur terrain. Si cela reste ainsi, n'y a-t-il pas de défi en matière de démocratisation, de démocratie? Monsieur le journaliste, je vous dirais qu'il y a un certain temps, dans ce pays, le Burundi, où certains politiciens sont en concurrence de statut de victime. Alors, quelqu'un veut se faire entendre qu'il est plus victime pour montrer qu'il est plus opposant et qu'il est plus fort que les autres opposants. Alors, on entend ici et là, je regrette s'il y aurait des heurts entre les partis politiques qui font beaucoup de bruit, parce qu'il y en a ceux qui ne font pas beaucoup de bruit, qui sont résolus uniquement à la base, qu'on n'a pas besoin de porter plus loin. Mais vous savez aussi que nous venons de passer deux élections, que certains partis politiques ne participaient pas, et ils trouvent toujours des prétextes que les élections étaient mal préparées, qu'on a violé les membres, qu'on a fait ceci ou cela. Et on s'interroge maintenant qu'il n'y a pas déjà qui fomente des stratégies aussi pour montrer un jour que les élections n'ont pas été libres et crédibles et que pour cette raison, on n'y a pas participé. Parce que nous avons déjà entendu ici même sur le plateau des formations politiques qui disent nous participerons dans les élections qui étaient libres, transparentes, apaisées. Quand elles ne sont pas bien organisées, on n'irait pas. Alors on se demande est-ce qu'il n'y a pas une certaine préparation pour ça. Cela ne veut pas dire que nous soutenons les bavures ou les heurts ou les violences qui subissent certaines formations politiques. Parce que nous sommes un parti politique qui prône pour la démocratie et nous aimerions que toute formation politique travaille d'abord dans le respect de la loi, dans le respect de l'administration, dans le respect des autres formations politiques pour éviter ces heurts. Donc leurs membres sont persécutés pour n'avoir pas respecté. Quand il y a dans la résolution des conflits, on vous demande toujours qu'il faut regarder de votre côté. Avant de regarder dans l'œil de l'autre, vaut mieux d'abord de regarder chez toi. Et s'il y a des problèmes chez toi, il faut changer toi-même avant de changer d'autres. Vous savez, mais les Burundais, comme toute autre personne, vous savez, ce que c'est la besace. On prend les fautes de chez toi, on les met dans le dos, et les fautes de l'autre, on les met devant le public, et comme ça, on ne trouvera jamais de solution. C'est pour vous dire que, en un peu de mots, on aimerait que tout le monde soit responsable, que ce soit l'administration, le parti au pouvoir, et nous, les partis politiques de l'opposition, pour éviter de manipuler ce R qui existerait. Donc, c'est pour vous dire que... Le défi est là. Bon, je vais vous donner un exemple. En France, la fois passée, quand on faisait les élections, Macron était élu, Marine Le Pen faisait la campagne. Il y a des jeunes qui se sont infiltrés dans la foule, ils ont créé des bagarres, on a dû évacuer. Ça veut dire que dans la période électorale, il est rare, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, qu'il y ait une manque de ces difficultés. Il faut plutôt chercher à les minimiser. Donc, c'est la même méthodologie chez Frodebou et chez Senel. Fénias Nigava, est-ce que ce que vous dites est rejeté par Nancy Ninette Moutoni? Est-ce qu'il y a un défi qui puisse torpiller la démocratisation de la démocratie au Burundi. Merci. Madame Nessi, elle ne pourrait dire autrement parce que elle soutient, elle essaie de cacher, par exemple, ce que font ces certains membres, certains jeunes de son parti. En deuxième lieu, lorsque vous nous avez appelé ici, c'est une thématique qui était claire. Mais ici, nous ne sommes pas venus ça ici pour nous plaindre, mais pour dire ce qui se passe sur le terrain. Mm-hmm. Oui, oui. Donc c'est une réalité. Alors, pour donc, les plaintes, vous allez les porter au ministère de l'Intérieur. Mais nous aussi, nous contactons les autorités à la base. Allez voir le gouverneur de Makamba. Nous l'avons déjà contacté plus de 5 fois. Le gouverneur de Burundi, plus de 5 fois. Nous connaissons comment les partis politiques travaillent. Alors, maintenant, si madame veut qu'on ne parle pas de ça, non, nous sommes venus pour dire ça. Nous devons le dire ça. Alors, madame, je vous informe que le chef de zone, Guitava, dans la commune de Makamba, il détient notre drapeau. Il détient également le matériel de Je te le dis. Mais je ne suis pas le ministère de l'Intérieur. Je te le dis. C'est votre militant. Je te le dis. Je te le dis. Oui. Est-ce que Nancy, vous ne parvenez pas à gérer vos membres sur le terrain? Nos membres, nos militants, les militants du parti CNDD-FDD sont gérés par le parti et sont contenus et sont formés. Ils ont passé dans le moule de l'idéologie du parti CNDD-FDD. C'est pour cela que j'affirme avec assurance que les faits relatés ici sont incorrects. Et donc, s'il y a des interprétations divergentes qui sont ici ou diverses, franchement, il faut se référer à l'autorité publique. Et puis, il y a autre chose que j'avais oublié de signaler. Heureusement que Honorable Noé l'a bien mis. Il a dit que leurs membres savent qu'ils ne sont pas encore autorisés par la loi dans certaines localités. C'est très bien qu'ils le reconnaissent. Et donc, s'ils reconnaissent que dans certaines localités, ils ne sont pas encore autorisés à travailler parce qu'ils n'ont pas encore rempli les critères qui sont exigés par la loi à laquelle ils se sont soumis en devenant parti politique, je ne comprends pas comment il peut dire qu'il y a des membres de ces localités qui sont persécutés. Donc, maintenant, vous vous exprimez comme une autorité publique. Je ne m'exprime pas comme une autorité. Bien sûr, je suis une autorité publique en tant qu'autorité politique, mais je ne suis pas le gouvernement et je ne suis pas le ministère de l'Intérieur. Mais il y a des cas isolés. Ces cas isolés, je les ai déjà dénoncés. Parce que quand vous dites que nos membres sont impliqués, j'ai dit qu'ils ne le sont pas. Parce que c'est nous qui les gérons au quotidien et nous savons et nous recevons des rapports nous quotidiens. Nous donnons des exemples concrets. Okay. Il faudra vérifier. Il faut avoir le courage de vérifier. C'est le minimum. Mais, Monsieur Feignès, vous êtes en train de donner des exemples des personnes de l'administration. Mais ce sont les membres de votre parti. Et ils n'ont aucun mandat. Et tu es porte-parole. Ils n'ont aucun mandat du parti pour agir. Il n'a aucun mandat. Non. Pas un mandat du parti pour aller agir. À votre membre qui représente le gouvernement n'a pas de mandat. Monsieur Feignès, n'entretenez pas cette confusion. Quand vous êtes dans l'administration, vous êtes dans l'administration, même quand vous êtes militant. Et quand vous êtes élu ou nommé pour un mandat national, comme celui de l'administration, s'il est gouverneur ou administrateur ou chef de zone, il est là pour représenter le gouvernement. Il est là pour travailler pour tout le monde, pour tous les citoyens et non pas pour son parti. Parce que dans ces localités même, il y a des autorités du parti qui sont là et qui ont été élues. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a aucun, là je le souligne très bien, que les journalistes l'entendent très bien, il n'y a aucun cadre de l'administration, c'est-à-dire il n'y a aucun membre, il n'y a aucun gouverneur qui est représentant du parti au niveau provincial, il n'y a aucun administrateur qui est représentant du parti au niveau communal. C'est pour exactement lever cette confusion. Alors, monsieur, il faut savoir où quand on est au pouvoir, on est au pouvoir, vous êtes comptable de tout. Ce qui est étonnant, on dit de petits R. Quand il y a des morts, il faut accepter qu'il y ait des morts quand même. C'est regrettable. Nous regrettons chaque vie humaine fauchée. Parce que c'est un Burundais, c'est un citoyen, c'est un compatriote. Nous regrettons. Ok, Feignès, nous évoluons. Oui. On se prépare aux élections de 2020. Les défis sont là. Qu'est-ce que vous constatez Quelles sont les conséquences si la situation reste ainsi comme vous le dites? Bon, je voudrais d'abord faire une petite précision. On ne demande pas permission pour tenir une réunion. On informe l'administration. Mm-hmm. La loi sur les partis politiques est claire. Le FDP est devenu une question de résonance du parti au pouvoir. Nous ne pouvons pas participer dans ce forum. Monsieur Félix, c'est de la propagande. C'est de la propagande que vous faites ici. Alors, les défis maintenant, les conséquences, il y a un recul démocratique. Nous reculons démocratiquement. On n'a pas de liberté. Les libertés politiques, il n'y en a pas. Les gens sont traumatisés, les gens sont pourchassés. Il y a l'environnement politique qui n'est pas du tout sain. Lorsqu'on parle de ça, il y a mon ami qui dit que nous nous préparons pour quitter les élections. C'est ce qu'il pense. Vous croyez? Demain après demain, on verra les voix que tu auras. Nous sommes ici. Ne soyez pas jugé. Nous sommes ici. Attendez, on va voir ce qui va se passer. Alors, il y a maintenant l'impunité. L'impunité maintenant qui s'installe. Ça, c'est une conséquence. On tue des gens, on ne fait pas des enquêtes. Alors, vous voyez que c'est une sorte d'impunité qui s'installe. Monsieur, quand vous dites qu'il n'y a pas d'enquête, comment est-ce que vous pouvez accuser des gens s'il n'y a pas d'enquête? Comment vous savez qu'ils sont les voyons les faits. Ce qui se fait sur le terrain. Il faut être logique. Soyons logiques et conséquents. Voyons ce qui se fait sur le terrain. Alors, donc, nous voyons maintenant qu'au niveau de la préparation des élections, il y a maintenant des problèmes. Nous sommes dans une période préélectorale. Mm-hmm. Alors, il y a des problèmes liés aux élections qui ne sont pas du tout résolus. Nous allons continuer à dire ça. Nous allons continuer à demander à ce que ces problèmes soient résolus. Donc, il y a une fièvre électorale. Effectivement, il y a une fièvre électorale qui monte. Qui est derrière cette fièvre? Alors, je pense que lorsqu'on prépare les élections, alors, il y a les participants aux élections. Alors, je pense qu'il y a peut-être certains qui ont, je dirais, une grande part, surtout le parti au pouvoir, puisque c'est lui qui est le responsable, qui a des personnalités là partout. Alors, s'il y a une fièvre électorale qui monte, le parti au pouvoir est responsable. Il doit voir comment gérer cette fièvre électorale. Même les partis politiques. Alors, d'autres partis politiques, alors ils ont une part de responsabilité également. Ils doivent également donner des contributions pour qu'on puisse trouver des solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, Fenias Nigaba. L'honorable Noé, vous avez représenté dans cette émission Parti Sénel fraîchement agréé par le ministère de l'Intérieur. Vous avez déploré la situation qui s'observe sur terrain aujourd'hui. Quels sont les défis si la situation continue ainsi? Le Sénel va se préparer pour les élections ou il va boycotter, comme le disait tout à l'heure Kefani Wise. Merci beaucoup de me redonner la parole. Avant peut-être de répondre à cette question, je voudrais revenir un peu en arrière pour éclairer un peu Madame Nancy. Elle a semblé refuter nos allégations. Je voudrais lui dire que moi, personnellement, je me suis rendu en province de Muyinga et je me suis entretenu avec l'administration. Il y avait même le représentant du parti au niveau provincial. Et on a présenté ces faits-là, les faits que j'ai dit, et les emprisonnements, n'est-ce pas? Il y avait des gens au niveau de la prison déjà qui présentaient des conditions résultant des bastonnades de la part des Imbonerakure. Ça, c'est une réalité. Ils étaient emprisonnés. Et même ceux qui avaient donc les auteurs, malheureusement, ils n'étaient pas là. C'était seulement des membres du Sénel qui étaient là. Ça, ce sont des faits. Donc, à dire que nous devons présenter obligatoirement au ministère de l'Intérieur, j'en conviens, mais quand même, le travail ici a sa raison d'être. Il faut que les Burundais, il faut que les citoyens entendent, il faut que nous parlons à leur nom, et eux qui se trouvent là-bas à l'intérieur du pays. La situation est déplorable, madame. Par exemple, je peux te citer que, par exemple, à Karuzi, il y a 10 emprisonnés. À Kirundo, il y en a 15. À Rumonge, il y en a 6. Bujumbura, il y a 13. Bobanza, il y a trois. Et pour ne citer que ça, ce sont ces gens, les membres du CNR, qui viennent franchement d'être arrêtés et qui sont emprisonnés. Les enquêtes traînent. La police est là, mais elle ne fait rien. Et dans certaines localités, on constate que les gens sont emprisonnés, sont arrêtés, en présence même de la police. Donc, elle ne dit rien. Il y a une complicité. Quelque chose de cela. Que de cela. Nous déplorons. Nous déplorons cette situation-là. Il y a, par exemple, à Karouzi, il y a des gens, un certain Sylvain, un certain Prosper, un certain Pascal, qu'on a amené ici, à Bujumbura, la documentation. Parce qu'il y avait une complicité dans certains Île-de-France qui travaillaient de connivence avec la documentation. Ils sont ici. On les a accusés d'avoir des armes alors qu'il n'y avait rien. Et les autres sont emprisonnés à Karouzimel. C'est une situation déplorable, madame. Il faut l'accepter. En tant que représentant du parti au pouvoir, il faut l'accepter. Vous n'avez pas besoin d'avoir un représentant du ministère de l'Intérieur pour prendre en compte cette situation. Mais si. Non. Si. Non. Vous êtes un citoyen, représentant du parti au pouvoir, vous êtes comptable de la situation. Comme vous aussi. Hein. Oui, c'est pourquoi nous sommes ici. Vous voulez dire que le CNDD de sur le terrain ne veut pas un challenger politique. Ah ben monsieur le journaliste, arrêtez de faire ça. Ce qui se fait ici, il y a un semblant d'intimidation sur le plan national. Vous allez réagir. Sur le plan national, on dirait qu'on veut que le parti du CNL, une fois les organes mis en place, n'est-ce pas, trouve une terreur sur terrain. On dirait qu'on veut cela. Mais c'est un piège, peut-être déjà découvert, n'est-ce pas? Il faut qu'on arrête cela. Mais vous allez continuer. Il faut qu'on arrête. Malgré cela, vous Alors, allez continuer à Alors, je reviens partir. À votre question. Le parti CNL est déterminé. C'est un parti qui lutte pour le pouvoir. Il est déterminé à jamais pour avoir ce pouvoir-là. Et il y a un adage qui dit que l'oiseau profite souvent de la résistance que lui oppose l'air pour avancer. On n'est pas, et nous ne serons pas intimidés par ce qui se fait, mais nous devons avancer. Mais comme vous l'avez, comme le thème est mentionné ici, la cohabitation, nous devons cohabiter. Comme aussi les textes du pays, tels que la Constitution, consacrent que les partis politiques doivent cohabiter, nous devons cohabiter. Nous devons faire la compétition, n'est-ce pas, dans la paix. L'espace politique est consacré par la Constitution. Il faut que cet espace-là soit profitable à tous les partis politiques, y compris les partis d'opposition. Mm-hmm. Qu'on puisse travailler et arriver 2020, tous les partis ayant même accès, n'est-ce pas, à l'espace politique de façon égale. Oui, oui. Directement, vous donnez de solutions à ces problèmes que vous évoquez. À qui vous lancez l'appel? C'est le CNDD? C'est le ministère de l'Intérieur? C'est quoi? Nous lançons l'appel à tous. Nous lançons l'appel aux partis au pouvoir d'abord, le challenger, le concurrent, n'est-ce pas? Nous lançons l'appel également au ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui a en charge les partis politiques, comme la loi sur les partis politiques le consacre déjà, n'est-ce pas? Il faut qu'il prenne la situation en main, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait équité. Mais entre-temps, vous allez saisir le ministère de l'Intérieur? Et ou bien vous le faites toujours? Je crois que vous avez entendu comment madame a répondu, n'est-ce pas? Je crois que quand madame est ici, nous sommes sûrs qu'elle va lui transmettre, n'est-ce pas, le rapport. Ce n'est pas mon rôle. Et quand, ce n'est pas mon pour rôle. Nous, quand le moment c'est pas mon rôle. Viendra, quand nous le jugerons nécessaire, nous allons faire ce que nous allons juger, n'est-ce pas, possible. Mais sinon, il y a des cas où nous saisissons la justice, mais nous déplorons le fait qu'au niveau de la justice, il y a cette lenteur-là. Mmh. Ils ne prennent pas les choses en main. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui croupissent en prison, n'est-ce pas? Mais ça n'avançait pas. Donc, selon vous, le ministère de l'Intérieur, la justice devrait faire l'autosaisine? Oui, ils doivent s'autosaisir directement, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, le procureur, les procureurs, les parquets, n'est-ce pas? Ça saute, c'est dans leurs attributions de se saisir d'office lorsqu'il y a de tels cas. Oui, merci à l'honorable Fenias Nikaba. Quelles sont les solutions? Vous évoquez des problèmes sur terrain, mais vous ne devrez pas rester les bras croisés. Quelles sont les solutions que vous proposez pour que la situation politique sur terrain soit assainie? Bon, normalement, nous sommes ici pour faire cela, pour voir comment sortir de cette impasse, pour voir comment trouver des solutions à cette intolérance qui prend une allure très inquiétante sur le terrain. Alors, en premier lieu, il faut que la justice fasse son travail conformément à la loi. Il faut vraiment respecter la loi, il faut vraiment que la loi guide cette institution pour trouver des solutions, pour donner leur contribution. Deuxièmement, il faut que les partis politiques éduquent leurs militants, en commençant par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Même les autres, oui, nous aussi, nous devons le faire. Mais puisqu'ils sont au pouvoir, ils doivent nous monter, ils doivent aller de l'avant. Mm-hmm. Il faut que les pouvoirs publics prennent les partis politiques au même pied d'égalité. Ici, je dis au niveau des collines, au niveau des zones, au niveau de la commune, c'est là où nos militants sont. Mm-hmm. Lorsque maintenant on va là-bas pour tenir des nains, il faut maintenant ne pas poser beaucoup de conditionnalités pour les partis politiques. Il faut maintenant que personne, ici quand je dis personne, je vais souligner les civils. Il faut que les civils ne s'immiscent pas dans les activités des forces de défense et de sécurité. Il faut que ces activités soient faites par ces spécialistes, ces professionnels, mais pas les civils. Oui, ici, sous le règne du Frodebout, il y avait la trilogie. Et aujourd'hui, sous le règne du CNDD-FDD, on parle de la quadrilogie. Donc, vous ignorez le rôle de la population dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Effectivement, quand je dis la population, normalement, ici, il y a beaucoup qui sont dans les partis politiques. Même il y en a ceux qui ne sont pas dans les partis politiques. Mm-hmm. Normalement, tout le monde doit aider, doit donner sa contribution, doit donner des conseils, prodiguer des conseils pour voir comment les gens puissent se comporter comme des gens, comme des personnes, mmh. mais pas comme des sauvages. Mmh. Et il y a aussi le FDP, le forum des partis politiques. Non, pour nous, ça ne nous regarde pas. Le FDP, ça ne nous regarde pas, puisque ça est devenu... Auparavant, on était d'accord, mais on a changé, ça est devenu une caisse de résonance des partis au pouvoir, on ne peut pas participer dans le FDP. Oui, si vous ne participez pas, c'est pas faire des chaises vides. Non, c'est pas faire des chaises vides. Nous, on ne peut pas aller dans où seulement on prend les décisions en faveur des partis au pouvoir. Ça, c'est de l'intolérance politique, par contre. Ça, c'est non, de l'intolérance. Non, non. Je dis la position du parti Sawanya Frodebout. Ça, c'est de l'intolérance. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez pour que le FDP soit Il faut restituer. Soit le forum. Non, il faut restituer pour que ça puisse avoir l'idée que ce forum avait au niveau de la naissance, de oui. sa naissance. Donc vous allez saisir la présidence du FDP. Au moment venu. Merci beaucoup, Fenias Nikaba. Kefani Bizi, vous êtes président du Frodebou Nyakuri. On entend qu'entre partis politiques, il y a tirail d'officiels. Quelles sont les solutions que vous proposez pour que réellement les Burundais s'acheminent bien vers les élections paisibles et transparentes en 2020? Bon, je vous dirais tout en avant que je suis sidéré quand j'entends un parti politique qui est formé de représentants du peuple issus d'une coalition des indépendants et qui était même représenté au gouvernement de prouver la situation état ici, alors que cela devrait être géré dans les organes dans lesquels ils sont. Mm-hmm. Alors on se demande, nous, qui ne sommes pas dans les institutions, comment est-ce que nous allons vivre quand on entend ça? Donc, dans un premier temps, je dirais que les partis politiques, dans l'ensemble, devraient éviter une communication violente et se fixer uniquement sur les projets de société au lieu de vilipender les autres. Mm-hmm. Au ministère de l'Intérieur... Là, vous ne distinguez pas les partis politiques. Non, vous parlez du CNDD, du CNL, du Frodebout et du Frodebout-Niakoud. Et le ministère de l'Intérieur, quant à lui, devrait organiser des réunions régulières pour qu'il y ait une lecture commune de la loi sur les partis politiques et de la loi sur les manifestations sur la voie publique et des réunions publiques. Ces réunions devraient nous permettre d'évaluer régulièrement comment est-ce que la cohabitation est faite, à qui on a tort, pour que celui qui a tort puisse se corriger en temps réel. Parce que ça, c'est le rôle principalement du ministère de l'Intérieur. Enfin, je demanderai aux représentants du peuple, et je suis heureux que nous sommes avec ici, de jouer le rôle pour que la population qu'il représente puisse vivre mieux dans ce que certains ont appelé la fièvre électorale qui existe aujourd'hui. Donc, il devrait jouer le rôle, soit en proposant que le ministère de l'Intérieur vienne pour expliquer ce qui se passe, ou toute autre proposition devrait être faite dans ces canaux-là. Mm-hmm. Donc, je terminerai en disant à mon ami Fenias que le FDP n'est pas maintenant, parce que je suis là, la caisse de résonance d'aucune formation politique. Plutôt, c'est un cadre où ces questions peuvent être discutées pour être résolues en temps réel, et je demanderai à qui que ce soit de ne pas s'isoler et de penser qu'à se mettre à l'écart des autres, c'est comme ça qu'il sera bien vu, mais de se mettre en ça parce que le pays nous appartient tous, nous devrions entrer en compétition dans des échanges réguliers, pourquoi pas dans la collaboration pour résoudre ces problèmes. Mmh. Merci beaucoup à Kefani Bizi. Avant de boucler la boucle de cette émission, nous avons besoin des avis et considérations de Nancy Ninette Moutoni, qui est secrétaire nationale du parti CNDD-FDD. Vous venez d'entendre ce que les autres disent. Quelles sont les propositions du parti CNDD-FDD pour mettre fin à ces lamentations de la part des uns des autres? Bon, de notre côté, c'est d'abord de réitérer l'engagement de continuer à respecter la loi sur les partis politiques, car selon la loi burundaise, un parti politique est un regroupement de citoyens autour d'un projet de société démocratique fondé sur l'unité nationale et qui est dicté par le souci de servir l'intérêt général, mais aussi assurer l'épanouissement de tous les citoyens. Et donc, toutes nos activités doivent concourir à la vie politique, mais par des moyens pacifiques. Donc, nous, comme parti CNDD-FDD, nous sommes déterminés à continuer à vivre en harmonie avec les 33 partis politiques agréés au Burundi. Vous allez sensibiliser vos membres pour qu'ils soient tolérants? Bon, ils le sont déjà. On va continuer à les sensibiliser à plus de retenue face à la provocation, parce qu'ils sont victimes de provocation tout le temps, et puis aussi au respect de la loi. Parce que même étant du parti au pouvoir ou d'un parti de l'opposition, on n'est pas au-dessus de la loi. Avant d'être des militants des partis politiques, nous sommes des citoyens. Et quand nos amis sont en train d'énumérer et de donner des noms, je ne vais pas citer les noms. Mais vous prenez note de ce qu'ils disent? Bien sûr que je prends note. Okay. Dans la bonne collaboration que nous prêchons et que nous vivons tous les jours, je ne vais pas citer les noms. Parce que quand on est majoritaire dans un pays, on est majoritaire partout, même en prison. Allez visiter les prisons, il y a des membres du parti au pouvoir. Allez dans une église, même dans une église. Non. Bah, quand on est majoritaire, il faut accepter. Même dans les prisons, on est là-bas. Bah, on est en prison puisqu'on est accusé de... Oui, mais ce sont des citoyens. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Quand ils ont commis des bavures, on ne va pas se plaindre à la radio. Donc on laisse la justice faire son travail. Vous acceptez que c'est lui qui commet des bavures, qui intimide les autres, soit arrêté. Mais comme tout citoyen. Mais qu'est-ce que vous voulez comme tout citoyen? Parce que je viens de le dire, si vous m'avez bien suivi, avant d'être un militant des partis politiques, on est des citoyens. Donc vous dites, à ces militants qui répondront de leurs actes. Pas seulement aux nôtres. Parce que j'ai dit que nous visons l'intérêt général. Mm-hmm. C'est-à-dire que celui qui perturbe l'ordre public, qu'il soit notre militant ou un militant du CNL ou du Frodebou, ou du Frodebou Niakouri ou de l'UPRONA, ou... il n'est pas supérieur à la loi parce qu'il fait la politique. C'est de cela dont je parle ici. Donc, il faut qu'on le comprenne de cette façon. Et puis, à l'endroit de nos chers camarades des partis politiques, il faut éviter la surenchère. On est là comme des exemples, on est là comme des leaders. On a des gens qui nous suivent. Il faut éviter la surenchère, il faut éviter l'exagération, il faut éviter des langages qui portent à confusion, il faut éviter tout ce qui pourrait... nuire à la bonne conduite des élections. Mm-hmm. Et en tant que parti politique, nous devons nous engager à respecter la loi. C'est primordial. Parce qu'on ne peut pas prôner une chose et son contraire. Si nous prenons la démocratie, nous devons accepter aussi que les autres puissent s'exprimer. Parce que j'ai eu l'impression qu'ils disent « Non, nous, on veut être sur terrain seul. » Mais le parti au pouvoir est aussi là. On doit cohabiter. Donc c'est pour cela que je dis « On est... » majoritaire, et puis on est là, déterminé à continuer la cohabitation pacifique et l'harmonie entre les partis politiques. 33 partis politiques pour un petit pays comme le nôtre, c'est pas difficile à cohabiter. On va cohabiter ensemble. Donc le CNDD ne va pas faire cavalier seul. Le CNDD-FDD est un parti d'essence démocratique, né de la volonté du peuple. Et déterminé à vivre en harmonie avec tout le monde. Donc, ce qu'ils disent, leur cri d'alarme, vous voulez dire que c'est leur façon de mener la campagne électorale? On n'est pas encore en campagne, mais une fois la campagne lancée, nous verrons ce qu'ils vont présenter. Parce que ce n'est pas à la radio qu'ils font la campagne, c'est plutôt sur terrain. Oui. Noé, tout à l'heure, a parlé de l'autosaisine de la part de l'autorité publique. Qu'est-ce que vous diriez, vous aussi, à l'endroit du ministère de l'Intérieur? C'est un représentant du peuple et à ce titre, il nous représente aussi. Donc, s'il juge que la justice devait faire procéder de cette manière, je ne pense pas que la justice va se saisir de tous les dossiers ou gérer toutes les questions comme ça, mais quand même, comme nous sommes soumis à l'autorité publique, le peuple doit être servi. Il bénéficie de tous les services auxquels il a droit, et dans ces services, il y a aussi la justice. Merci beaucoup Nancy Ninette Tony. C'est sur ces solutions proposées par nos invités que nous bouclons cette émission qui a vu la participation de Nancy Ninette Tony pour le compte du Parti CNDD-FDD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation et je vous souhaite une merveilleuse semaine de liberté de la presse. Et merci à tous les camarades qui étaient ici autour de cette table avec qui on a partagé ce débat. Et merci à tous les auditeurs qui ont suivi cette émission. Honorable Noé Mbonikaba du Parti CNL, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie également les camarades et avec qui nous étions ensemble. Je remercie plus particulièrement Madame Ninette Mosoni pour ses interventions et aussi ses promesses qu'on va respecter la loi et surtout que pour nous le souhait c'est que ce respect soit aussi vu du côté du parti au pouvoir et les membres, surtout sa jeunesse. Je vous remercie. Merci également à Kefani Vizi, président du parti Frodebou Niakouri, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi d'être là aujourd'hui. Et merci beaucoup de nous avoir invités. Je remercie aussi nos camarades qui étaient ici sur le plateau. Je remercie aussi l'auditoire qui était à l'écoute. Merci à vous aussi, Fenia Senigaba, porte-parole du Frodebou, d'avoir accepté de participer à cette émission. Mmh. Merci beaucoup. Je remercie mes amis avec qui nous sommes ensemble. Je remercie tous les auditeurs. Mais il faut que vraiment cette intolérance politique puisse être, disons, combattue avec toute dernière énergie et avec tous les partis politiques. Merci beaucoup. François Kinman a été de l'autre côté de la vitrine. Jérôme Nyondima à la réalisation. Évariste Ndzikobanyang à l'animation. Bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.